Selon le quotidien du peuple de Corée du Sud, Lee Jae-myung, maire de Songnam, province de Gyeonggi, a critiqué dans l'empage Park Geun-hye qui cherche à faire ressusciter la dictature rénovée. Par ailleurs, le délégué du Parti démocrate Do Bu-ron, parti de l'opposition, a dénoncé le 17 au Parlement sud-coréen que le gouvernement a perdu sa fonction, alors que le journal d'internet La Voix du Peuple a écrit le 18 un éditorial sur les autorités sud-coréennes qui sont critiquées au niveau international à cause de leur politique vicieuse contre les droits de l'homme.